j'ai pas peur d'avoir mal. Même si j'inonde sous vos regards un animal. Même sous ma peau, mon cœur ne craint pas les balles. Même les échos aux citadelles. Même si j'ai pas peur d'avoir mal, même si j'ai mal, même si j'ai mal.